Nique ça une grosse. J'ai comme une grosse envie de déféquer et je suis mal. Pas un chiotte, pas une turne à moins de 10 km du local. Aïe, comment je vais m'en tirer? C'est le genre de question futile qui t'arabuste parfois l'homme. Alors que je sens déjà durcir au moins un flic à l'homme. Ah, si seulement j'étais dans la campagne en automne, je pourrais m'accroupir et croquer une pomme. Mais faut pas dramatiser, moi j'en fais toujours des tonnes. TMX a un gros problème, se sent plein barbouillé, faut le vider, shoulderé, il va péter. Destruction, défécation sur toute la planète. N'en est pas pourquoi y'a plein de sel. Sur son bal atom, HPP lui connaît. C'est toi, c'est son papier, mais s'il connaît pas, il finira plein de caca. Pas la peine d'avoir de la peine ni d'appeler le camion bête. Écoute-elle abondamment. Miam miam, je me pose sur le bit et bien ce gâteau. Le dégoût que je suce, je le mets au porte-manteau. Dans le bleu de l'immensité, dans tes yeux ouvrit mille soleils. Essence de volupté, mais toujours un chien qui sommeille.